Chers amis auditeurs, chers fidèles d'Exocet, bienvenue. La semaine dernière, c'était un best-of, voilà, donc malheureusement ou heureusement pour vous, si vous aviez raté quelques émissions depuis le début de la saison, cette semaine, on revient avec du frais, avec de nouvelles histoires, pour votre plus grand plaisir, je l'espère, nous l'espérons, Thomas et moi-même. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Tout à fait, Mika, derrière les machines, a amené une caméra ce soir. Voilà, je vais filmer un peu Exocet. Voilà, donc vous aurez probablement les images en exclusivité sur, sur le blog, déjà de ton blog, Mika, le blog de Vision Décalée, peut-être. Non, je les mettrai sur, je te les filerai, tu les mettras sur ton blog Exocet. En tout cas, je mettrai que les photos porno que j'ai prises de vous avant. Ça, c'est bien. De toutes les manières, allez sur rage.fr, qui est le portail incontournable pour tout ce qui touche à Rage, et vous pourrez trouver le blog des différentes émissions, rage.fr. Ça sera mal filmé, parce qu'en même temps, je fais de la technique de la radio. Mais c'est, je comprends tout à fait, je tolère. Alors, ce soir, je vais démarrer par une histoire. Alors au début, je voulais la qualifier d'histoire surprenante, troublante, intéressante, mais je me dis que dans une émission comme la nôtre, dont le concept est de raconter des histoires intéressantes, c'est peut-être un petit peu redondant et galvaudé à force de dire que les histoires sont intéressantes. Oui, c'est un fait, on le sait, sinon on n'en parlerait pas. Donc c'est une histoire, en tout cas méconnue, voilà, pour le moins. C'est l'histoire des corps incorruptibles. Les corps qui ne pourrissent pas, qui ne veulent pas pourrir. Alors, en 1996, un certain Joachim Boufflet, qui est un historien catholique, donc un historien de l'Église, se rend sur la tombe d'une bonne sœur morte dans les années 50, parce que son entourage, donc l'entourage de la bonne sœur, a déposé une demande de canonisation. Alors, vous savez comment ça se passe quand on veut... Quand on veut, alors je vais vous expliquer, quand on veut qu'une personne soit canonisée, c'est-à-dire quand on veut qu'une personne soit déclarée comme sainte, il faut déposer une demande au Vatican. Voilà, donc si vous aimez particulièrement un voisin, un ami, une connaissance, eh bien vous allez au Vatican, vous dites j'aimerais bien qu'un tel devienne un saint, comme moi, voilà, Saint-Mi-Caca peut-être éventuellement. Saint-Mi-Caca, moi je pense. Si jamais je décède un jour, j'aimerais bien me faire canoniser les copains. Alors, à partir de la demande, le Vatican met en place toute une enquête pour valider la valeur de cette demande, hein, pour vérifier si la personne effectivement mérite le statut de saint, parce que c'est quand même un club très fermé. Et donc là, une des formalités de cette démarche, c'est d'aller constater si les restes de la personne sont bien dans leur cercueil. Alors, avec Joachim Boufflet, un prêtre, un fossoyeur et un médecin légiste. Et ils arrivent à proximité du tombeau de la bonne sœur en question. Le fossoyeur brise le cercueil, qui pète facilement évidemment puisqu'il est complètement moisi hein, depuis les années 50. Et il découvre à l'intérieur du cercueil un corps intact. Mesdames et messieurs, un corps intact dans des vêtements pourris et en lambeaux. Alors la peau est fraîche. Et le corps ne dégage aucune odeur, si ce n'est l'humidité du cercueil, mais absolument pas d'odeur de putréfaction, ni quoi que ce soit. Donc le médecin prélève un bout de chair. Mais juste pour mémoire, ça faisait combien de temps qu'elle était enterrée ? Elle est morte dans les années 50, l'histoire se passe en 1996, donc ça fait 46 ans. D'accord. Le docteur prélève un bout de peau, et il s'aperçoit que la peau est souple et qu'elle ne s'effrite pas, parce qu'on pourrait se dire, ah oui, c'est... ça doit être vraiment un état de conversation très très précaire. Si on appuie dessus, elle va s'effondrer. Ouais, comme un vieux parchemin. En croûte. Eh bien là, non. La peau est fraîche, elle ne s'effrite pas. Donc c'est vraiment très surprenant. On replace la dépouille dans son cercueil après avoir constaté qu'effectivement elle était bien là. Et donc Joachim Boufflet fait ouvrir d'autres tombes pour savoir si c'est le contexte qui est propice à ce genre de conservation incroyable. Donc il fait ouvrir d'autres cercueils. Et tous ces cercueils ne contiennent rien d'autre que des ossements bien secs et bien nettoyés depuis les années. Pourtant, ils ont été enterrés en même temps que cette bonne sœur. Donc voilà le genre d'histoire qui est beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut imaginer. C'est loin d'être un cas unique, et notamment dans les annales religieuses. Alors, en 1977, déjà, la Californienne Joan Cruz recensait 102 cas de ce type, donc 102 incorruptibles, comme les appelle l'Église. Donc, des corps retrouvés intacts des décennies, voire des siècles après leur mort, dans certains cas. Alors, ça arrive aussi dans d'autres religions, c'est pas un phénomène isolé, faut pas croire que c'est quelque chose de culturel, c'est pas uniquement lié à la religion catholique, on trouve aussi des incorruptibles chez les bouddhistes, il y a des cas de moines bouddhistes retrouvés intacts après plusieurs siècles, chez les musulmans, etc., etc. Donc voilà, c'est absolument pas lié à une religion en particulier. Et si vous voulez constater de vous-même l'authenticité du phénomène, eh bien, sachez qu'en France, on a deux incorruptibles visibles. Alors la première, bon, c'est un petit peu une superstar hein, du milieu, c'est Bernadette Soubirous, la fameuse, celle qui a vu la Vierge à Lourdes. Elle est conservée à Nevers. Et il faut savoir que Bernadette, elle a été exhumée 3 fois avant d'être mise dans un cercueil transparent. Donc voilà, on l'a sortie une première fois pour la canoniser. Bon... Ensuite, on l'a ressorti un coup, je sais pas trop pourquoi faire, peut-être pour vérifier si elle était toujours intacte. On a laissé passer 3 ans, on vérifie maintenant. Ouais. Ils ont fait ça donc à 3 reprises, et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, bon les gars, on va la conserver, c'est quand même dommage de pas donner cette image donc, de grâce divine à nos fidèles. Donc maintenant, elle est exposée dans un cercueil de verre à Nevers, justement, tiens. Et la deuxième incorruptible qu'on peut voir en France, donc c'est Sainte-Catherine Labourée, s'appelle-t-elle. Un jeu de mots, Mika? Non, ça ira. Bon. Tu l'as fait tout seul. Et elle repose... Canonisée, elle aussi? Alors, oui, puisque Sainte-Catherine... Oui, tu me diras, oui. Elle repose dans la chapelle des Filles de la Charité à Paris. Hein, si vous allez faire un tour à Paris, bien, demandez à voir la curiosité du coin. La chapelle des Filles de la Charité. Et un cas très troublant donc, de conservation d'incorruptible, c'est celui de Sainte Zita, dont le corps est toujours entier 8 siècles après son inhumation. Donc c'est une sainte italienne qui vivait au XIIIe siècle, et aujourd'hui encore, son corps... Et bon, on peut dire quand même que depuis le temps, il a commencé légèrement à morfler, mais normalement, au bout de 8 siècles, il n'y a plus rien. Ouais, c'est clair. Là, son corps est encore entier après 8 siècles, donc c'est... Mais une question me taraude. Très bon. C'est... comment dire? C'est que des gens, des saints ou des gens religieux qu'on retrouve comme ça? Ben, c'est parce que c'est des gens qu'on a dû ouvrir le cercueil. Et le meilleur moyen de ouvrir le cercueil, c'est de canoniser. Voilà, mais dans le listing, on a que des religieux. Alors, le truc, c'est que on sait que ça arrive aussi à des gens tout J'imagine, à fait normaux. Parce que l'explication doit être scientifique. Voilà, qui sont ni religieux, ni saints, ni quoi que ce soit. Je me souviens que... Ici même, il y a quelques semaines, on avait parlé d'un homme momifié sur son lit. On l'a découvert 5 ans après sa mort parce que justement, il n'y avait pas d'odeur de putréfaction dégagée. Et on l'a retrouvé 5 ans après, momifié. Pourtant, il n'était ni saint ni quoi que ce soit. Donc ça n'arrive pas que là. Mais le truc, c'est que, comme dans le cadre de l'Église catholique pour le processus de canonisation, le cadavre. On ouvre les cercueils, et bien là, forcément, on peut constater le phénomène. Si ça se trouve dans les cimetières. Mais donc, ce qui veut dire quand même que ça doit être un phénomène assez fréquent. Ce truc-là, puisque vu le nombre de religieux sur lesquels on est tombé qui avaient cette caractéristique-là, on peut se dire que s'étend à un peu... Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a 102 cas recensés, 102... Ouais, seulement. Ouais, c'est vrai que c'est quand même c'est pas énormissime c'est pas sur énorme, les milliers. Ouais. Oui. Y a-t-il une explication scientifique? Alors, je vais y venir, hein, mais juste, voilà, imaginez-vous que... Sous la terre de tous les cimetières du monde, il y a probablement des tas d'incorruptibles, hein, de corps intacts, mais on ne le saura pas, puisqu'évidemment, on ne va pas les sortir de leur cercueil. C'est sûr. Alors, en temps normal, il faut quand même rappeler, préciser, qu'un cadavre ne fait pas belle figure très longtemps, hein, puisque quelques heures après la mort, des taches mauves qui sont dues à la stagnation du sang dans les veines commencent à apparaître sur la peau, et au bout de 36 heures environ, l'épiderme verdit au niveau de l'abdomen. Pourquoi? C'est parce que donc il y a des bactéries emprisonnées dans le tube digestif, bah, qui se mettent à migrer et à envahir le corps tout entier pour dégrader les tissus. Donc en fait, les bactéries qui nous servent à digérer les aliments, bah, elles se mettent à nous digérer nous-mêmes. Donc, il faut quand même préciser que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est rarissime que l'Église catholique déclare un cas miraculeux. Parce que là, on pourrait penser qu'il s'empresse justement de considérer ces cas-là comme des preuves de l'existence de Dieu, comme de vrais miracles. Eh bien non, en fait, c'est très très rare que des cas de conservation comme cela soient considérés comme miraculeux, puisque depuis quelques années, le Vatican, et ça c'est quand même assez drôle, dispense une formation en sciences des phénomènes extraordinaires, donc il pourrait nous appeler en tant que conseiller. Et dans ces formations, on apprend donc aux prêtres, au curé ou à qui le veut, à trouver l'explication à la conservation de certains corps, hein, entre autres phénomènes donc, qui sont liés au folklore religieux. Alors le pape Jean XXIII, par exemple, fut découvert intact 37 ans après sa mort, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le milieu du XXe siècle, tous les papes reçoivent une injection de formol après leur décès pour la présentation aux foules. Ça doit changer beaucoup de choses, ça aussi, effectivement. Voilà. Et donc, pour que leur dépouille soit présentable aux foules, forcément, on leur injecte du formol. Bon, alors le formol, ça repousse les micro-organismes qui sont responsables de la décomposition, et ça repousse aussi les larves d'insectes qui sont assez friandes de cadavres. Ça gonfle un peu les tissus aussi. Enfin, l'action essentielle, c'est ça, c'est repousser les micro-organismes et donc les larves d'insectes qui se nourrissent des cadavres. Bah, mais c'est un peu logique, surtout que les papes sont exposés au public relativement longtemps, voilà. Donc c'est un peu un passage obligé. Mais en plus de ça, parce que voilà, il faut rappeler que lui, il est resté intact 37 ans. Or, ce genre de traitement, c'est pour la durée de l'exposition aux foules, ça tient quelques semaines au plus, puis après ça se dégrade. Or, lui, il est resté 37 ans comme ça. C'est parce que, en plus du traitement au formol, lui, il a été enterré dans 3 cercueils. Rien que ça, donc 3 cercueils, et du coup, du coup, les micro-organismes n'avaient pas d'oxygène pour se multiplier, hein, évidemment, puisque c'était carrément hermétique. Alors, certains prétendus incorruptibles aussi ont été tout simplement embaumés. Hein, voilà une autre explication, comme Sainte Marguerite de Cortone, par exemple. Mais comme elle est morte, celle-ci, au XIIIe siècle, évidemment, le détail est oublié par le peuple au fil du temps, et on constate simplement qu'il y a un corps intact et qui est pourtant mort depuis des siècles. Mais on oublie qu'à la base, elle avait été donc embaumée par ses fidèles, parce que donc elle avait fait du bien autour d'elle. Et on s'est aperçu voilà, qu'il y en a beaucoup parfois qui sont incisés. Quelque part, qui sont des faux incorruptibles. Quoi. Voilà, on les a incisés pour donc retirer les organes, pour traiter leur peau avec des épices, des onguents, avec des techniques qui étaient utilisées déjà chez les Égyptiens. Donc voilà, là, rien de surnaturel dans ces cas-là, mais nombreux sont les saints quand même qui ne portent aucune trace d'embaumement. Donc, et les scientifiques avancent une autre hypothèse, c'est que les corps entreposés dans des lieux qui favorisent la préservation des chairs, donc forcément se momifient naturellement. Et c'est le cas des cryptes qu'on peut trouver dans la cathédrale. Mm-hmm. Hein, donc dans ces cryptes-là, la température est fraîche et constante été comme hiver. Et c'est deux critères qui limitent la prolifération de tous ces micro-organismes qui décomposent les tissus. Alors, il y a d'autres tombeaux qui présentent une atmosphère très sèche, et tout ça, c'est des facteurs de conservation. Bien sûr. Ouais. Et il y a un tombeau particulièrement surprenant qui se trouve à Palerme, en Sicile, et qui s'inscrit vraiment dans un parcours de l'étrange, je dirais, dans un parcours idéal. Moi, c'est vrai que j'ambitionne assez largement donc de faire une sorte de tournée mondiale de tous les endroits vraiment surprenants et étranges à voir. Mais si tu fais ça, faut que tu fasses un guide. Enfin, c'est complètement hors sujet avec le truc, mais ah non, mais c'est clair. Et donc cet endroit-là s'inscrit. On le vendra. Ouais. S'inscrit totalement dans la tournée, puisque donc c'est le cimetière des Capucins à Palerme. Ça se trouve en Sicile. Et dans ce cimetière, cette catacombe plutôt, puisque donc elle se trouve sous terre, il y a 8000 corps entreposés, et ils ont été entreposés entre le 16e et le 19e siècle, et certains sont parfaitement momifiés. Mais naturellement, voilà, il n'y a pas eu d'embaumement, voilà, donc tout ceci est naturel, et donc ces cadavres ont simplement perdu leur eau progressivement avec le temps, la peau s'est desséchée, a pris l'apparence d'un vieux cuir tanné. Et il y a plus de prise évidemment aux bactéries et aux moisissures qui ont besoin de chaleur et d'eau pour se développer. Et oui. Le vieux cuir tanné, c'est un aspect cutané. C'est un aspect de vieux pané. Ouais. ce qui est très surprenant dans ces catacombes-là, c'est la mise en scène des corps. Donc il y en a des centaines, des milliers, et donc on les voit alignés sur des murs, sur de très longs couloirs, et c'est vraiment une vision particulièrement morbide et horrible, parce qu'on se croit à l'intérieur d'un film d'horreur. Vous voyez par exemple tout un couloir occupé par des prêtres, donc en habit de cérémonie, mais morts, et comme ils sont pas conservés de manière artificielle. Eh bien, ils sont pas très très beaux non plus. Hein. On dirait un peu des zombies. Non, effectivement, ça devrait... ils ont des gueules de zombies, et parfois ils sont capturés dans la mimique de la mort. On a l'impression qu'ils hurlent avec des orbites vides. Donc c'est très très flippant. Et il y a une salle réservée aux hommes, une réservée aux femmes, une réservée aux enfants. Et les enfants sont souvent mis en scène. Donc c'est vraiment très très étrange et très morbide comme atmosphère. Et l'une des toutes dernières inhumées dans les années 1920, c'est une petite fille qui s'appelait Rosalia Lombardo. Elle était âgée de 2 ans quand on l'a mis dans les catacombes, et son corps est aujourd'hui intact. Mais bon, il faut quand même préciser qu'en plus des conditions propices de ces catacombes-là, elle avait été conservée par un savoir-faire qui s'est perdu aujourd'hui, hein, puisque donc le créateur, c'est un docteur, celui qui avait conservé, qui avait momifié son corps, c'était un docteur qui a emporté son secret dans la tombe, donc on connaît pas exactement sa méthode. Je crois que c'est comme pour conserver les mentales. un truc un peu pareil. Sûrement, voilà, l'odeur doit être différente. Et donc cette petite fille, elle est surnommée l'ange qui dort, parce que donc elle est dans un petit cercueil, et vraiment, donc j'ai vu des images, j'ai vu des photos, c'est hallucinant, on dirait vraiment une petite fille de 2 ans qui dort dans un cercueil, c'est très troublant. Ça doit être glauque quand mais même. Moi j'ai deux questions, parce que dans cette crypte-là, tu dis qu'ils mettent plus ou moins en scène, on va dire, les cadavres quand même. Ouais. Ils ont fait ça a posteriori en s'apercevant que les cadavres restaient intacts dans cette crypte, ou ils ont fait ça sur le moment en disant ouais, ben bah, lui, on va au créer lieu de l'enterrer, alors, on va le pendre comme ça, machin. À la base, il y avait que des moines qui étaient enterrés dans ces catacombes-là, et puis on s'est aperçu qu'il y avait effectivement un contexte de conservation donc, sans pareil. Ouais, d'où mise en scène. Et à partir de là, c'est devenu comme une sorte de tendance d'être enterré dans les catacombes des Capucines à Palerme, et comme c'est en Sicile, il y a pas mal de parrains de la mafia qui ont insisté pour se faire enterrer. Donc on voit des parrains en costard, mais avec une gueule de zombie. ça doit ressembler à Shaun of the Dead. Ah oui, c'est vraiment très très flippant. Tous ces mecs sont alignés contre les murs, et c'est donc des cadavres. Alors bon, il y a quand même des grilles hein, aujourd'hui pour empêcher les gens de les toucher, parce qu'on est à proximité. Ouais, c'est clair, ouais. Mais il y a certaines salles où donc on est confronté directement à ces corps, c'est particulièrement troublant en tout cas, voilà. Et ce qui est super surprenant aussi, c'est que tu disais qu'il y avait des cadavres qui avaient été déterrés, et ouais. Ça normalement ça contribue quand même à faire rentrer une certaine humidité, à renouveler l'air, à relancer l'activité bactériologique, et c'est ce qui fait que dans certains cas encore il y a un véritable mystère, hein. Il reste les incorruptibles qui reste en bon état sans explication. La sainte qui est dans son cercueil de verre, là, elle a été enterrée, déterrée, réenterrée. Et là maintenant, elle est dans un nouveau cercueil qui présente plus les mêmes caractéristiques. Voilà. Et Bernadette Soubirous aussi. Et puis il y a des cas d'incorruptibles aussi qui ont été enterrés à même le sol, et donc qui auraient dû se faire bouffer par les vers, mais qui sont restés intacts. Donc il reste des mystères vraiment vraiment étranges dans ces affaires-là. Donc voilà, c'est du bon pour Exocet. C'était donc le corps incorruptible, chers amis. On va marquer une première pause musicale avant que Thomas enchaîne sur une autre histoire. On peut teaser un petit peu, tu vas nous parler On va parler de l'exorcisme ultra connu d'Emily Rose, mais je pense que c'est important de faire un petit point au-delà du film. Qui a été adapté en film, voilà. On marque donc une première pause musicale avec Riverside. Le titre c'est Conceiving You, restez avec nous. I've been watching you, waiting for the right moment to make the first move. Do you wanna know why I keep avoiding your eyes and why I'm running away? It's crazy, I know. I've been conceiving for too long. Oh, maybe I'm destined to be alone, or maybe there's someone who will understand that I'm not able to share my world. I'm still running away, it's crazy. Too long. If only I could change all things around. I've been conceiving you for too long. I've grown used to that. Dans Exocet à l'instant, c'était Riverside et Conceiving You, et c'est une première d'ailleurs dans Exocet, et vous en entendrez encore beaucoup, je pense, de morceaux de Riverside. Nouvelle découverte, donc, groupe de rock progressif polonais que j'affectionne particulièrement. Voilà, en première partie d'émission, je vous parlais des corps incorruptibles, hein, ces corps qui ne veulent pas pourrir, qu'on trouve fréquemment chez les religieux, et on a compris pourquoi aussi, hein, c'est parce que c'est souvent les religieux aussi qu'on exhume pour les processus de canonisation. Et Thomas va nous parler à présent de l'exorcisme d'Emily Rose. Alors, Alors, Emily Rose, d'abord, c'est pas réellement son nom, hein, puisque je pense que pour tous ceux qui ont vu le film de Stock d'Erickson, c'est devenu, entre guillemets, le film de l'histoire vraie de l'exorcisme d'Emily Rose. Alors déjà, premier point, Emily Rose ne s'appelait pas Emily Rose. Mais Emily Malheureuse. Elle s'appelait, non, mais même un nom qui n'a absolument rien à voir, elle s'appelait Annelise Michel. Alors on va l'appeler Annelise, hein, parce que j'ai du mal à le prononcer à l'allemande. Ouais. Mais donc déjà, elle s'appelait pas Emily Rose, donc déjà, premier point qui est un petit peu en dissonance avec le film. Alors maintenant, on va s'attaquer un petit peu à son histoire. Donc Annelise est née en septembre 1952, le 21 septembre plus exactement. Et c'est une fille qui a eu, durant toute son enfance, une vie relativement normale, enfin une vie d'enfant entre guillemets classique. La seule différence qu'elle avait un petit peu avec les autres enfants de son quartier et de son école, c'est qu'elle était dans une famille extrêmement religieuse et que c'était une fille d'une très grande piété. Apparemment, en tout cas, c'est comme ça que tout le monde la décrivait. Mais du jour au lendemain, sa vie a basculé. Et quand on dit du jour au lendemain, c'est vraiment du jour au lendemain. Elle s'est réveillée un matin, un jour de 1968. Et elle s'est mise à trembler et à ne plus. Et elle n'arrivait plus du tout à contrôler son corps. Donc plus aucun muscle ne répondait ni quoi que ce soit. Elle gigotait dans tous les sens. Plus aucun contrôle sur elle-même. Alors, pendant toutes ces crises, en plus, elle perdait sa voix, ce qui veut dire qu'elle était incapable d'appeler à l'aide, etc. Donc, je sais pas si vous vous imaginez sur un lit en train de trembler dans tous les sens sans pouvoir appeler, etc. Donc, elle a jamais pu appeler ses parents pendant ces crises-là. Et elle est restée comme ça pendant quasiment une demi-journée à trembler sur un lit, jusqu'à ce que sa mère, un petit peu inquiète, décide de monter voir dans sa chambre ce qui se passe, et qu'elle la voit comme ça en espèce d'état de transe sur son lit, et donc elle décide de faire appel à un médecin, qui tout de suite convoque un neurologue, etc. à l'hôpital, qui diagnostique une épilepsie. Et effectivement, au vu des premiers symptômes, l'épilepsie a l'air quelque chose de plus que probable. Alors, les attaques se poursuivent un petit peu comme ça pendant un ou deux mois, plus que de façon régulière, hein, quasiment tous les jours, ou au moins une fois tous les deux jours, elle a ces espèces de mini-crises, si on peut dire. Malgré le traitement que lui donnent les médecins, puisque forcément elle est suivie avec un traitement médicamenteux, etc. Rien n'y fait vraiment. Et en fait, un jour, elle commence à voir des visages démoniaques se dessiner sur les gens qui l'entourent, en fait, quand elle est en train de prier à l'église. Donc elle allait à l'église quotidiennement, et là, à chaque fois qu'elle y retourne, les gens autour d'elle, au moment où elle prie, se mettent à la regarder et à se déformer, à grimacer, et à voir, d'après sa description, des visages démoniaques. Ajouté à ça, forcément, elle entend des voix aussi. Enfin bref, toute une ambiance, ma foi, plutôt sympathique. Et elle, donc Anne-Lise décide d'en parler aux médecins quand même pour leur expliquer les symptômes qu'elle a. Et là, il faut dire que les médecins tombent un peu des nues et ne savent vraiment plus comment l'aider, puisqu'elle a déjà un traitement médical extrêmement lourd, etc. Bref, normalement, elle aurait dû réagir à ça et ses crises d'épilepsie auraient dû s'arrêter. Et pourtant, ça continue et elle hallucine de plus en plus sur des choses assez terrifiantes à voir, puisque elle commence à voir des cadavres, elle commence à voir des tas de phénomènes bizarres qui se passe, des bruits qui tournent autour d'elle, etc. Bref, une espèce d'hallucination un petit peu malsaine comme ça. Et en 1973, les parents un petit peu exténués de voir leur fille dans cet état-là demandent à plusieurs prêtres en fait d'exorciser leur fille tout simplement. Parce que ils considèrent que prendre les médicaments c'est peut-être plus forcément utile vu qu'ils ne font aucun effet. Le seul problème c'est que pour pratiquer un exorcisme, il y a plusieurs caractéristiques auxquelles il faut répondre. Alors la première c'est qu'il faut d'abord avoir parlé une langue qu'on n'a jamais apprise. Il faut avoir aussi des pouvoirs surnaturels et surtout il faut se sentir gêné, voire refusé de tous les objets religieux qu'on nous présente. Si on d'après l'Église, si on recoupe pas ces trois caractéristiques-là, on peut pas être sujet à l'exorcisme puisqu'on n'est pas possédé. Donc apparemment, là, elle parlait pas d'autres langues, donc pour l'Église, elle n'était pas possédée. Non, parce que c'est vrai que dans certains cas d'exorcisme, les patients, entre guillemets, donc les clients, se mettent à parler en latin, en sanskrit, etc. Exactement. Parfois sans jamais avoir appris la langue en question. Donc forcément donc les parents un peu désespérés laissent faire les choses et en 74 un nouveau prêtre vient examiner la Anne-Lise et décide d'accepter de faire l'exorcisme malgré le fait que sa hiérarchie s'oppose et mette son veto et son interdit absolu là-dessus. Mais lui, voyant que les crises deviennent de plus en plus violentes, etc., qu'en plus Anne-Lise commence à devenir extrêmement violente, tant en parole, puisqu'elle se met à insulter tout le monde, mais aussi en gestes, puisqu'elle commence à battre ses parents, à les mordre, etc., à leur arracher des lambeaux de chair, elle commençait vraiment à devenir très tendue, et en tout cas, à mon avis, très difficile à vivre dans la maison. Donc le prêtre décide de pratiquer l'exorcisme. Et en 75, finalement, à force d'apporter des preuves comme ça à l'Église de langue étrangère qu'elle ne connaît pas, qu'elle arrive à parler, etc., que le prêtre enregistre, ce dernier arrive à convaincre sa hiérarchie que effectivement Anne-Lise est possédée et que l'exorcisme est la seule solution. Donc l'Église accepte de pratiquer un exorcisme encore plus poussé. Là, il se retrouve avec quasiment trois prêtres. Alors pendant toute cette période, Anne-Lise refuse catégoriquement de manger, déclarant que de toute façon les démons l'empêchent de le faire, donc elle peut pas du tout manger. Elle dort à même le sol puisqu'elle veut plus dormir non plus dans un lit, apparemment ça lui lacère le dos, etc., ça lui procure des douleurs immenses. Elle préfère dormir de façon en plus extrêmement inconfortable sur le sol puisqu'elle se met à moitié en boule, recroquevillée, enfin vraiment une position assez étrange. Et puis elle continue un peu tout son train-train, elle brise des crucifix, elle détruit des peintures représentant Jésus, enfin bref, elle part un petit peu en vrille. Et puis un jour, pendant l'exorcisme, les exorcistes s'aperçoivent qu'en fait, Anne-Lise n'est pas possédée par un, mais par plusieurs démons, d'après leur dire. Et ils ont même réussi à récupérer les noms. Alors ça, c'est très intéressant parce que... ils ont récupéré les noms. Ouais, parce que donc on a les enregistrements de ces exorcismes. Il y en a plus d'une quarantaine. Ils ont un CV et tout. Et donc on l'entend clairement prononcer... donc on entend clairement le prêtre demander à Anne-Lise qui la possède, etc. Et là, on l'entend... alors en plus, c'est très étonnant parce que c'est avec des voix, une voix à chaque fois différente. Un petit peu comme si elle avait exactement plusieurs personnalités. Et elle commence alors à énumérer qui la possède, et dans la liste on retrouve Lucifer, on retrouve Judas, on retrouve Néron, on retrouve Hitler, toute bref, la fine équipe quoi finalement. Des gars, ma foi, ils veulent faire une de ces fiestas à eux. Hautement sympathique, et donc voilà, et plusieurs autres âmes comme ça non identifiées, mais elle balance comme ça une petite quinzaine de noms de personnes qui la posséderaient. Il y avait un ventriloque à côté. Donc l'exorcisme là s'intensifie, elle en pratique quasiment un ou deux par semaine pour pouvoir à peu près rester, on va dire, lucide. Ces crises sont là encore pour le coup de plus en plus violentes puisqu'ils sont obligés de la maîtriser à trois à chaque fois qu'ils font un exorcisme ou de l'enchaîner parce que sinon ça part complètement en vrille. Cela dit, Hitler plus Lucifer, voilà. Il faut au moins s'y mettre à trois. Il y a une fine équipe. Mais malgré ça, elle arrive quand même, en dehors de ses exorcismes, à reprendre une vie normale puisqu'elle retourne à l'école, elle passe un concours qu'elle réussit. Donc elle arrive à réintégrer, on va dire, entre guillemets, une vie normale, mais elle a toujours cette espèce de poids de la possession, et surtout, elle ne mange quasiment rien, voire elle ne mange pas du tout. Et donc, elle finit à la fin quand même par avoir des problèmes de nutrition face au fait qu'elle ne mange pas, des problèmes de nutrition et des problèmes physiques, puisqu'elle a des comportements assez étranges. Par exemple, il lui arrive régulièrement de faire des génuflexions. Mais quand elle fait des génuflexions, elle en fait quand même plus de 600 de suite. Ce qui lui provoque des liaisons irrémédiables aux articulations des genoux, etc., aux articulations des hanches. Et des grosses cuisses aussi, parce que ça fait des muscles. Ah ça, c'est clair qu'elle devait avoir des bons muscles, c'est clair. Et donc voilà, et elle finit par se retrouver dans un état tellement grave que les maladies prennent le dessus. Et en 76, le 30 juin, elle meurt... d'épuisement et d'une pneumonie devant sa mère qui enregistre sa mort. Quoi, en vidéo ou... En cassette audio. Oh là là. Voilà, donc forcément, suite à la mort de la jeune fille, il y a un procureur qui décide de faire une enquête sur les deux prêtres, enfin sur les trois prêtres qui ont pratiqué l'exorcisme et sur les parents d'Anne-Lise, pardon. Et donc tous ont été inculpés de négligence ayant entraîné la mort. Puisque les médecins continuent à dire que de toute façon c'était un problème épileptique et psychologique, voire psychotique même, et que donc il y avait des solutions et des traitements à trouver. Et donc les parents ont été condamnés à 6 mois de prison ferme suite à cette affaire. Et alors voilà, sur tout ce qui reste de cette possession, c'est ces quarantaines d'enregistrements. Et donc j'en parlais un tout à l'heure spécialement intéressant, il y en a un deuxième qui est assez hallucinant, où on entend sur la cassette deux démons en train de se disputer. Alors un en latin, l'autre dans une langue que j'ai pas réussi vraiment à identifier, mais on a les explications de texte et on entend deux démons se disputer, et apparemment ils se disputeraient incroyable. Pour savoir lequel des deux va sortir en premier du corps, puisqu'il y en a un qui refuse de sortir, etc. J'ai et l'autre dit grosso modo c'est ça, c'est ton tour, machin, etc. Et ils discutent incroyable. Comme ça en latin et une autre langue que j'ai pas réussi à identifier. C'est quand même hallucinant parce que bon, vraisemblablement, en tout cas s'il faut trouver une explication, c'est un cas de schizophrénie apparition de personnalités multiples, etc. Si c'est un cas hystérie. De schizophrénie, c'est un cas de schizophrénie mais extrêmement grave, c'est clair. On parle quand même d'une jeune fille qui avait donc la culture suffisante pour improviser finalement une sorte de conversation conflictuelle entre deux démons anciens. Exactement. Qui parlent en latin. C'est quand même, on peut dire que c'est une schizophrénie artistique en tout cas. Oui, parce que c'est assez rare dans le sens où en général les schizophrènes, quand ils prennent une personnalité, ils ont une personnalité. Ils peuvent avoir des personnalités multiples, mais elles se mettent pas en avant en même temps. Là, effectivement, c'est clair, on entend clairement, et pareil sur la cassette où elle donne les différents noms, pour chaque nom qu'elle donne, on entend un personnage différent parler. Ça, qui s'enchaîne. C'est hallucinant. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Et il y a aussi un fait notable, c'est que la plupart du temps, les victimes de possession, de poltergeist, sont des jeunes filles pubères en général, ou qui viennent juste de franchir la puberté. Et c'est le cas par exemple dans le poltergeist d'Enfield, qui est un des plus célèbres, avec cette jeune fille qui était soi-disant donc malmenée par une entité. Il y a le cas d'Emily Rose, et puis les exorcismes en général, on parle de jeunes filles. Alors on peut se demander s'il n'y a pas une analogie, un parallèle à faire, une période difficile de leur adolescence qui serait donc comme ça converti, transformé en trouble psychologique. Il y a un parallèle à tracer, je pense. Oui, c'est fort possible. Enfin, je veux pas m'avancer dans des explications psychologiques non plus hasardeuses. C'est les hypothèses. Peut-être qu'elles sont plus vulnérables. Mais du coup, les esprits ils viennent plus facilement vers eux, c'est tout. Je pense que je pense que ça recoupe un petit peu aussi, par exemple, les phénomènes d'hystérie qu'on retrouve essentiellement chez les femmes et peu chez les hommes. Bah, c'est vrai que moi, si j'étais Lucifer, l'hystérie, la maladie. si j'étais Lucifer, je préférerais rentrer dans le corps d'une jeune fille plutôt que d'un enfin ouais, vieux, mais j'attendrais qu'elle ait au moins 18 ans, moi, tu vois. Enfin, ah, là, c'est Lucifer en même temps, il n'y a pas de race Lucifer. Hein, 18 ans, il regarde pas lui. Ah non, non, il... Ah oui. Il est comme ça, oui, lui, il a l'ancienne. Il y a les poils, il vient. Mais donc voilà, c'est un des exorcismes les plus troublants qui se soit produit. Mais donc, et surtout sur lesquels on a des bases un petit peu sympas à explorer, qui sont les cassettes audio. L'exorcisme d'Emily Rose, c'est peut-être donc l'histoire qui a inspiré le film L'Exorciste. Alors déjà donc c'est pas l'exorcisme d'Emily Rose, c'est l'exorcisme d'Annelise Michel, puisque ah oui, c'est son vrai nom. Je pense effectivement que en tout cas il y a plusieurs points comme ça qui se recoupent, notamment par exemple l'idée où elle va donner le nom des démons qui la possèdent. On retrouve ça dans l'exorciste. Alors elle en sort pas une liste aussi grande, il y en a qu'un seul, mais il y a cette idée avec la voix qui change, etc. Pas zouzou pour l'exorciste, pour votre culture. Mais peut-être qu'ils en ont donné qu'un parce qu'ils trouvaient que ça faisait trop d'en donner plusieurs. Ils vont pas nous croire, on en donne qu'un. Oui, voilà, mais en tout cas c'est clair que on sent le terreau à tous ces, tous ces films-là. Mais autant, c'est seulement une super comédienne. Ah, si c'est le cas, l'arnaque. Elle est très douée. Alors. Mais le truc, c'est qu'elle en est morte. Donc, elle en est quand même morte. Ah, mais ouais, mais elle a joué son rôle jusqu'au bout, quoi. Elle rigole pas, elle quoi. Elle est morte sur les planches. Oscars, là. Elle est morte sur les planches. Ah ouais. Non, mais ça peut effectivement être un cas très grave de schizophrénie où, pendant qu'il y a une certaine personne qui prend possession du corps, cette personne-là décide d'aller apprendre le latin, etc. Elle en est pas consciente parce que c'est un autre de ses personnages et du coup, elle apprend le latin. Parce qu'il faut quand même expliquer comment. Là, ce qui est un peu surprenant, c'est comment expliquer. C'est comment expliquer qu'elle connaît des langues qu'elle n'est pas censée avoir apprises. La seule solution. Oui, ça, c'est clair que ça fait partie des mystères inhérents aux exorcismes, aux cas de possession. C'est très bizarre, effectivement. Il y a des choses que ces gens ne sont pas censés savoir, ou parler de lieux qu'ils n'ont pas connus, ou d'époques qu'ils n'ont pas connues, comme si, effectivement, ils étaient donc possédés par d'anciens démons qui ont comme ça traversé le temps et l'espace. En tout cas, voilà, merci Thomas pour cette bien belle histoire. On marque une deuxième pause musicale et on se retrouve après pour parler d'un personnage très mystérieux, Fulcanelli. Restez avec nous. Place is a knife went away. Elle se sait. Le bizarre, l'inclassable, le décalé, surage. Toujours dans Exocet, avant le morceau, Thomas vous a parlé de l'exorcisme d'Emily Rose qui en fait est l'exorcisme d'Annelise Michel. Oui. Donc c'est compliqué, faut suivre. Je sais pas pourquoi ils ont changé son nom, c'est vrai, c'est bizarre. Je sais pas, peut-être par rapport à la famille, ils ont pas obtenu les droits de l'histoire, on sait pas, oui. On sait pas trop. Mais donc ce cas d'un exorcisme dans lequel on a vu une jeune fille servir de club privé finalement à Hitler, Lucifer et tous leurs amis. Donc c'est quand même assez particulier. Judas. Et à présent. Et dans sa bouche, ils ont fait des bridges. Pas mal. Non, elle est pas mal, ça. C'est là, jolie. Le privé. Ouais, ça, c'est sympa. Je vais à présent, donc, vous parler d'un personnage particulièrement mystérieux. Alors, vous remarquerez qu'on en a déjà évoqué quelques-uns. Il y a quelques semaines, Thomas nous avait parlé de Roger Bacon. Et, le roi du bacon. Non, du tout, en plus. Hein, je tiens à préciser, pour ceux qui n'avaient pas écouté, c'est une sorte de Léonard de Vinci méconnu. Ouais. Une sorte de génie, total. Génie incompris, je dirais. Ouais. Et il y a beaucoup de figures comme ça qui ont traversé l'histoire, des personnages qui semblaient venir d'une autre époque, qui étaient en avance sur tous les autres. Et Fulcanelli, donc, fait partie de ces personnages très mystérieux. Alors donc, c'est un alchimiste français qui est né dans la première moitié du 19e siècle. On pense qu'il est né en 1839 ou 1840 ou 1841. Bref, tout ça est très flou. En 1840, on n'est pas certain, mais en tout cas dans la première moitié du 19e siècle. Et la légende dit donc qu'il serait parvenu à réaliser le grand œuvre vers la fin de sa vie. Alors, qu'est-ce que le grand œuvre ? Eh bien, c'est le Graal de tous les alchimistes. L'alchimie, donc, c'est cette science ésotérique, hein, donc une science réservée aux initiés, qui est chargée de mystères et de symboles, et qui est en fait une sorte d'ancêtre de la chimie, puisque le but des alchimistes était de découvrir les secrets de la matière et de pouvoir transformer notamment le métal en or, le plomb en or. Et donc, Fulcanelli serait parvenu, d'après la légende, à réaliser le grand œuvre, ce qui revient à dire obtenir les clés de la vie éternelle. Et il aurait également réussi à créer la pierre philosophale, qui est donc la clé de la matière et de la vie, la maîtrise totale de la matière, qui permet de transformer ce qu'on veut en or, etc. Il en a fait des trucs. Alors voilà, c'est pas pour rien que j'en parle ce soir. Hein, voilà. Alors, le truc, c'est que Fulcanelli a donc mystérieusement disparu au début du XXe siècle, en 1926. Et Oula, il était vieux, là. Et il est l'auteur de deux ouvrages majeurs de la littérature ésotérique, hein, qui s'appellent « Le mystère des cathédrales » et « Les demeures philosophales ». Alors, ces deux bouquins furent publiés après sa disparition mystérieuse en 1926. Et ce qui est très étrange, c'est qu'après sa disparition, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui disent avoir vu Fulcanelli, qui disent avoir discuté avec lui alors qu'il était âgé de plus d'un siècle. Alors, notamment Eugène Cancelier, qui est lui aussi un personnage assez mystérieux, c'était le disciple en alchimie de Fulcanelli. Et donc, il raconte qu'il aurait rencontré son maître en 1954 à Séville, donc plus de 30 ans après la disparition de Fulcanelli. Et donc, celui-ci, Fulcanelli, lui aurait dit « Tu me reconnais ?» Il aurait dit à son disciple « Tu me reconnais, c'est moi ?» Et Fulcanelli aurait dû être âgé de 113 ans en 1954. Et il faut savoir donc que Eugène Cancelier a préfacé les ouvrages de son maître, donc les deux ouvrages, et il affirme que Fulcanelli aurait bénéficié du Donum Dei. Donc dans l'alchimie, le Donum Dei, c'est le don de Dieu. Hein, ça signifie qu'il aurait découvert donc les secrets de la vie éternelle et qu'il aurait atteint l'immortalité. Alors, l'identité réelle de Fulcanelli fait toujours débat, il y a beaucoup de polémiques, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir par rapport à ce personnage. Déjà, on n'a pas de preuves réelles qu'il existait en tant que personne. Alors, il est possible que ce soit le pseudonyme, finalement, d'un collectif d'alchimistes, d'un groupe d'alchimistes, donc. Il y en a beaucoup qui pensent que le comte de Saint-Germain serait Fulcanelli. Alors, qui est le comte de Saint-Germain ? C'est un autre personnage étonnant. Vous allez voir, on va évoquer pas mal de personnages étonnants dans cette histoire-là. Alors, le comte de Saint-Germain, c'était un aventurier du XVIIIe siècle, donc plus ancien que Fulcanelli, qui parlait grec, sanskrit, latin, chinois, français, allemand, anglais et espagnol. Donc à l'époque, c'était quand même assez incroyable, puisqu'on pouvait pas voyager oui, puis même aussi facilement qu'aujourd'hui. À notre époque, Déjà aujourd'hui, c'est balèze. Mais à l'époque, on pouvait pas voyager aussi facilement. L'éducation n'était pas la même, et donc lui parlait toutes ces langues comme s'il avait vécu plusieurs siècles et qu'il avait eu le temps donc de voyager et de les apprendre. Et c'était aussi un peintre et un musicien de grand talent, ce comte de Saint-Germain. Il avait la réputation, surtout à la cour du roi, parce que donc voilà, c'était une figure marquante de la cour du roi à l'époque, et parfois il racontait des souvenirs vieux de 2000 ans, il racontait les noces de Cana avec Jésus, etc. et donc les gens tu te souviens, non, j'étais pas là. Ah oui, c'est vrai. La cour, j'étais pas avec vous. Voilà, la cour était fascinée par ce personnage parce qu'il était auréolé de mystère, on savait pas très bien à quoi s'en tenir par rapport à lui. Et Voltaire par exemple disait à Frédéric II à propos du comte de Saint-Germain, c'est un homme qui ne meurt point et qui sait tout, parce qu'apparemment il avait une culture encyclopédique. Et quand on demandait au domestique du comte de Saint-Germain, est-il vrai que votre maître a 2000 ans, le domestique répondait, je ne puis vous le dire, il n'y a que 3 siècles que je suis à son service. Ah. D'accord. Donc c'est quand même une belle histoire. Oh, le domestique aussi alors, ouais. Ah oui, bah oui, puisque donc l'idée c'est que le comte de Saint-Germain aurait trouvé la clé de l'immortalité, il en aurait fait profiter son domestique, évidemment. Alors, pour en revenir à Fulcanelli, les seuls éléments tangibles de l'existence de Fulcanelli sont ses deux ouvrages, qui sont donc des références absolues dans le domaine de l'alchimie, mais certains pensent qu'il serait simplement l'œuvre de Cancelier, finalement, le disciple, hein, qui en a signé les préfaces. Mais alors pourquoi se cacher derrière le nom d'un grand maître? Pourquoi finalement, s'il avait des connaissances aussi élevées, pourquoi ne pas les professer directement au lieu de se planquer derrière un nom? Jacques Bergier, qui est lui aussi un personnage vraiment fascinant, raconte dans son ouvrage qui a eu un gros succès, Le Matin des Magiciens, qu'il a rencontré Fulcanelli en 1937. Alors on va revenir sur Bergier après, hein. Donc voilà, il aurait rencontré Fulcanelli en 1937 et Fulcanelli lui aurait confié le secret de l'alchimie, le voici, il existe un moyen de manipuler la matière et l'énergie de façon à produire ce que les scientifiques contemporains nommeraient un champ de force. Ce champ de force agit sur l'observateur et le met dans une situation privilégiée en face de l'univers. De ce point privilégié, il a accès à des réalités que l'espace et le temps, la matière et l'énergie nous masquent d'habitude. C'est ce que les alchimistes appellent le grand œuvre, la compréhension universelle de l'univers. Voilà, c'est ce que Jacques Bergier prétend que Fulcanelli lui a dit. Donc, alors Jacques Bergier, donc pour situer le personnage, c'était un scientifique, écrivain, aventurier, philosophe, espion, résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a subi la torture nazie, il a connu les camps, et c'était un personnage qui était fasciné par l'insolite, justement, par l'étrange, par le bizarre. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, et avec Louis Powell, il a écrit Le Matin des Magiciens, qui est une œuvre fondatrice, le manifeste de ce qu'on appelle le réalisme fantastique. Et le réalisme fantastique, finalement, c'est tous ces faits inexpliqués que la science parfois préfère mettre de côté, parce que donc les dogmes de la science sont parfois mis en péril par certains phénomènes étranges, et donc notamment les ovnis, etc. Et c'est Bergier qui a largement contribué à la popularisation des ovnis et de tous ces phénomènes-là, en France en tout cas. Et donc voilà, lui, il prétendait avoir rencontré Fulcanelli, et pourtant c'était un homme très respecté de par son passé de résistant, et puis par le fait que c'était un homme de lettres, et surtout il avait une mémoire eidétique, et la mémoire eidétique ou eidétique, c'est une mémoire absolue, comme il y en a qui ont l'oreille absolue, et bien il y en a qui ont la mémoire absolue, et ça lui permettait de se rappeler de tout sans forcer, sans réfléchir en détail. Et donc voilà, c'est ses amis, son entourage l'appréciaient beaucoup pour sa culture sans limite, puisque voilà, il se rappelait de tout. Et pour en revenir donc à Fulcanelli une dernière fois, outre ces deux ouvrages très connus, qui sont donc des références dans le milieu ésotérique, Fulcanelli aurait publié un troisième livre, qui est l'objet de toutes les convoitises. Ce livre s'appelle Finis Gloriae Mundi, ce qui veut dire à la fin de la gloire du monde, et c'est un manuscrit qui aurait été dans les mains de Cancelier, donc le disciple, avant d'être jeté au feu. Alors il y a deux versions du livre qui ont circulé, et chacune accuse l'autre d'être un faux. Alors peut-être que le secret du grand œuvre et de la vie éternelle se cache dans ce fameux ouvrage mystérieux qui n'existe peut-être pas, et peut-être finalement que Fulcanelli lui-même n'est qu'une légende, mais ça reste encore une énigme. Voilà, à l'heure actuelle, on n'est encore sûr de rien par rapport à ce personnage. Ma foi. C'était l'histoire de Fulcanelli, chers amis. Thomas, il te reste encore une histoire après la pause musicale? Oui, éventuellement. Oui. C'est parfait. C'est possible. On peut juste en parler, histoire d'accrocher l'auditeur. Ah ben ça va être sur des découvertes de crânes de momies. Ah oui. Enfin de crânes divers et variés découverts un petit peu partout. Les crânes d'extraterrestres sur des momies, c'est très bon ça. Oui. Eh bien, restez avec nous. On marque une pause musicale, à tout de suite. say that I'm too so much of what you say is true. I'll never find someone quite like you again. I'll never find someone quite like you, like you. Dans Exocet, si vous nous rejoignez à l'instant, Thomas va nous raconter une histoire à base de momies, à base de crânes déformés, à base d'extraterrestres, donc que du bon. Que du bon. Voilà. Oui, puisque il faut savoir que assez fréquemment dans le monde, les archéologues mettent à jour des squelettes et des momies qui présentent des crânes avec des formes très particulières, notamment un qui est assez connu, qui est exposé au Muséum d'histoire naturelle d'Uberaba, au Brésil. Alors déjà, il faut savoir, un, que les gens qui ont exposé ce crâne ne savent pas d'où ils viennent, hein, puisque en fait ils l'ont retrouvé dans les réserves du musée, donc ils ne savent pas d'où il vient, ni vraiment de quelle année, quelle époque il date. Donc le mystère reste un petit peu entier autour de cette momie. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, le squelette est à peu près normal. La seule chose qu'il y a, c'est que le crâne est extrêmement déformé, mais pas déformé dans le sens éléphant-manesque du terme. C'est déformé, c'est allongé. Voilà, c'est très propre. C'est comme si, à la rigueur, le crâne venait d'une autre espèce et n'était pas un crâne humain. Voilà, ça fait pas crâne humain qui aurait pris des coups ou des choses comme ça. Autre caractéristique bizarre qui recoupe un petit peu à chaque fois ces squelettes de momies, c'est que les doigts de pied sont pourvus de 6 doigts. Et c'est quasiment systématique. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Hein. Forcément, la première, celle qui a été balancée comme ça de but en blanc par les défenseurs des thèses les plus ésotériques et les plus paranormales qui existent, c'est les extraterrestres, puisque forcément, quand on tombe sur un squelette, on va dire humanoïde, mais avec un crâne qui n'est pas humain, on a tendance à penser que c'est extraterrestre. Il y a une explication un petit peu plus scientifique qui s'appelle l'hydrocéphalie. Alors, l'hydrocéphalie, oui. C'est une maladie qui se caractéristique tout simplement par, en fait, donc dans le crâne, on a des liquides céphalorachidiens, ils s'appellent comme ça, des liquides céphalorachidiens, qui se placent en fait dans les ventricules cérébraux, et du coup, ça crée une pression interne à l'intérieur de la boîte crânienne telle que les os se déforment, surtout que c'est une maladie qui apparaît quand même chez les jeunes enfants, où les os sont encore un petit peu souples, un petit peu encore cartilagineux, donc qui ont cette possibilité de déformation, donc ça pourrait expliquer ces formes bizarres. Et c'est vrai que c'est une déformation très, très impressionnante en tout cas, et on en a vu beaucoup chez les enfants nés à proximité de Tchernobyl après l'accident, donc, et c'est vrai que c'est très impressionnant et très difficile à vivre. Ça peut prendre des proportions absolument énormes, puisque certains enfants, malheureusement, qui souffrent de cette maladie, ont des crânes un profil quasiment plat, et ils ont un crâne, sans rigoler, qui a une forme de crêpe, on va dire, extrêmement plat, et voilà, et tout est penché comme ça sur le côté, et c'est assez horrible à voir, et je pense que ça doit effectivement être très dur à vivre. Il faut savoir quand même que de nos jours, c'est une maladie qui existe toujours, et que ça touche quand même un enfant, 1 à 4 enfants sur 1000, donc c'est pas anodin. Mais on peut drainer quand même le liquide, il y a une solution. Voilà, alors c'est clair que maintenant, si on est moins témoin de ce genre de déformation, c'est parce qu'il y a des solutions médicales qui ont été apportées. Là, on parle de momies, de squelettes assez anciens, une époque où ces technologies n'existaient pas. Mais alors, au-delà de ces maladies, il y a des crânes qui ont été retrouvés qui, eux, ont des formes de cônes, donc qui n'ont rien à voir avec une déformation qui pourrait être maladive. Là, c'est carrément une déformation. Ben, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez vu Conehead, par exemple, où là, les crânes ont cette espèce de forme de cigare, on va dire. Conehead, le film avec les extraterrestres. Exactement. Ouais. Ouais. Donc, le crâne ressemble vraiment beaucoup à ces personnages-là. Ben, il existe aussi une déformation qu'on a pu voir dans le film Freaks de Todd Browning. C'est les Pinhead qui ont des crânes en forme de pain de sucre, des têtes minuscules. Et oui, c'est très impressionnant. Et donc là, donc ces crânes-là, on en retrouve aussi également un petit peu partout dans le monde. Hein, les archéologues en déterrent régulièrement. Donc là, c'est plus des crânes qui ont à voir avec un attrait maladif ni quoi que ce soit. C'est des crânes dont on pense qui ont été, en tout cas pour la communauté scientifique, toujours, il y en a qui pensent que c'est des crânes extraterrestres ou d'une espèce Homo sapiens qu'on ne connaîtrait pas et qui aurait disparu, etc. Pour les scientifiques, ils pensent que ces crânes ont été déformés volontairement. Alors, soit à l'aide de liens et de sangles placés sur le crâne des nouveau-nés, soit à l'aide de berceaux qui seraient devenus en fait des espèces de systèmes pour pouvoir mouler comme ça, un petit peu comme les Chinois faisaient avec leurs princesses pour leur faire des tout petits pieds, et bien ils empêchaient les pieds de grandir, ils les guidaient comme ça, ben là des espèces de berceaux tuteurs pour donner cette espèce de forme longitudinale au crâne. Donc ça c'est l'hypothèse effectivement la plus probable. Ce qui est un petit peu étonnant quand même, c'est qu'on en retrouve partout dans le monde. Donc on en trouve en Amérique du Sud, on en retrouve en Afrique, on en retrouve en Europe, en France notamment. Dans certaines régions françaises, on retrouve des cadavres qui ont cette caractéristique. On en retrouve en Norvège. Et que c'est vrai que, quelque part, si c'était un espèce de rite dû à une espèce de culture religieuse un peu spécifique, ça serait pas épanché comme ça sur le monde. Les Égyptiens momifiaient leurs cadavres, en Norvège on retrouve pas des momies puisque ça reste assez local vu que c'était culturel. Et là c'est vrai que ce qui surprend un petit peu le monde des scientifiques, c'est que cette espèce de mode de la déformation crânienne s'était penché un petit peu comme ça sur l'ensemble du globe jusqu'à provoquer des témoignages directs à notre époque de de plusieurs centaines de cadavres comme ça qu'on déterre avec ces formes bizarres. Alors, une interprétation qu'on peut en faire, c'est que de tout temps et dans toutes les cultures, les déformations ou les anomalies physiques ont toujours suscité la curiosité, parfois le respect. On sait que dans certaines cultures, les albinos, par exemple, sont rejetés. Dans d'autres cultures, ils sont adulés. Ils sont très respectés. Et peut-être que les déformations donc crâniennes ont provoqué le même type de fascination et de. Je pense quelque part, et c'est un petit peu, enfin, pas mal de scientifiques pensent un petit peu la même chose. C'est que. Quelque part, la taille du cerveau est le reflet, enfin la taille de notre boîte crânienne plutôt, est le reflet extérieur de notre intelligence, entre guillemets. C'est-à-dire, on pourrait schématiser, plus on a une grosse tête, plus il y a du contenant dedans, et plus on est intelligent, forcément. C'est un raccourci un peu rapide, mais disons que dans une société un peu primitive, c'est un schéma qui pourrait facilement prendre pied. Et effectivement, les fils de princes ou de hauts dignitaires, etc., pour montrer leur supériorité, avaient tout intérêt à avoir le crâne déformé pour donner cette espèce d'illusion de supra-intelligence due à cette espèce d'épanchement de la boîte crânienne, tout simplement, quoi. Donc c'est l'explication la plus probable. Et forcément, derrière tout ça, traînent toujours les théories extraterrestres et autres. Mais là, je pense qu'on est quand même face à des cas soit médicaux, soit socioculturels. Il n'en reste pas moins que c'est à chaque fois des témoignages assez intéressants et c'est à chaque fois des crânes avec des formes très particulières. Là, cette semaine, je vous mettrai quelques petites photos que j'ai récupérées à droite à gauche. On tombe vraiment sur des... C'est vrai que quand on voit les photos, on ne peut pas s'empêcher de s'imaginer qu'on est face à des créatures humanoïdes, mais pas humaines. C'est vrai, c'est ça complètement. Très notamment une alors qui représente un prince où en fait le corps est... l'ossature fait très adulte, sauf que le corps doit faire moins d'un mètre en taille réelle, et le crâne doit faire à peu près 90 à 80 cm de large. Et il est extrêmement grand, et il a une forme de cœur. Enfin, c'est vraiment très très étonnant, très troublant. Et donc, je vous mettrai toutes ces petites photos. Et toutes ces petites photos, vous le retrouverez sur le forum de Rage, rage.fr, une seule adresse. Parce que vous le savez, il y a beaucoup de d'émissions qui ont leur blog sur cette radio, mais je prends le parti de donner que le site principal de la radio pour pas semer la confusion dans vos esprits. Parce que c'est vrai que si on commence à balancer tous les noms de sites, donc il y a un blog d'Exocet effectivement, mais vous le retrouverez sur rage.fr, allez-y, vous allez sur le podcast et vous retrouverez tout ça. Merci Thomas, on marque la dernière pause musicale de cette soirée et on se retrouve juste après pour les infos insolites de la semaine. Voici dans la dernière partie d'Exocet, chers amis auditeurs. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, ça peut arriver. Déjà, sachez que ce n'est pas grave. Si vous nous écoutez quand même. Mais... Oui, bon, si vous nous écoutez en direct vendredi soir, bien, la rediffusion c'est mardi hein, à 9h10 du matin. Et si vous ratez également la rediffusion, sachez que vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le podcast de Rage. Vous allez sur rage.fr. Et donc, ce soir, on a parlé entre autres donc de Fulcanellis, mystérieux alchimiste qui aurait peut-être découvert la clé de l'immortalité et aussi on a parlé donc tout à l'heure des momies à l'aspect extraterrestre avec des crânes surdimensionnés. On a parlé de l'exorcisme d'Emily Rose, ouais. Et la première histoire que j'ai racontée en début d'émission, c'était les corps incorruptibles, donc ces corps qui ne pourrissent pas. C'était des bonnes histoires, donc vous pourrez les retrouver à foison. C'est où foison? Oui, c'est sur rage.fr. foison, absolument. Foison. On foison passe... de liens, foison d'émissions. On passe pléthore aussi. On passe aux infos bizarres de la semaine. Et on démarre avec une femme donc qui a remporté des élections. Malheureusement, c'est bizarre. Malheureusement, elle est morte. Ah. Voilà. Alors en fait, c'était pas une élection très importante. C'était pour élire le président du comité directeur des écoles en Alaska. Bon. Ah mais c'est un poste qui devait faire des envieux puisqu'elle en est morte. Faut croire, mais il y a plus glorieux. C'était plus glorieux. Directrice générale de la FCPE. Voilà. Il y a plus glorieux comme statut. Mais bon. Et donc en fait, cette femme qui s'appelait Catherine Dunton était à égalité avec son opposante qui s'appelait Donna Highstone, et elles ont fini ex aequo en fait. Il y a eu autant de voix pour les deux, donc ils ont décidé de tirer ça à pile ou face. Le problème c'est quoi, c'est que le jour non parce qu'elles étaient à égalité, mais le jour même où le résultat est tombé, à savoir égalité, eh bien Catherine est morte. Voilà. Donc du coup, bah, ils ont été vraiment très emmerdés parce que la loi exige qu'on départage, donc ils ont fait pile ou face, et le plus beau, c'est que c'est la morte qui a gagné. Bravo Catherine. Donc voilà, c'est quand même assez terrible. Alors là, ils sont vraiment dans la merde. Parce ils que ont maintenant, jamais... Catherine doit réorganiser des élections, ah, et oui, c'est ah, chaud, oui. Quoi. Donc ils ont jamais vu ce cas de figure, et donc là... Il faut qu'elle veuille d'abord remettre son titre en possession. Exactement. Voilà, et tant qu'elle a pas bougé, hein, pour en faire rien. Donc là, le comité directeur des écoles de Haddock doivent trouver une remplaçante à tout prix. Mais c'est quand même assez marrant puisque donc ça n'est jamais arrivé hein, ce type d'histoire là. Ils savent plus là-bas en Alaska, ils sont tout perdus en ce moment. Pour un peu que son cadavre reste bien intact. C'est clair. Toute la vie. Intact, c'est clair. une recherche particulièrement intéressante qui pourrait d'ailleurs remporter un prix Ig Nobel. Hein, vous savez les prix Ig Nobel qui récompensent donc les recherches scientifiques les plus incongrues, les plus insolites et parfois les plus inutiles. Donc c'est une recherche qui a été menée par un scientifique hein, qui est un professeur de physique à l'université centrale de Floride. Il s'appelle Costas Eftimius. Eftimius. Il a un nom rigolo. Ça n'est pas gentil de se moquer des noms des gens. Costas Eftimius. Eftimius. Et donc Costas Eftimius, il était comme ça chez lui, tranquille. Tel un Costas Eftimius finalement. Et puis il s'est dit, tiens, je pense qu'il est de mon devoir de pourfendre les croyances erronées du peuple, parce que donc c'est une sorte de Henri Brock. Hein, vous savez, Henri Brock chez nous, c'est le leader des zététiques. Hein, c'est donc ces scientifiques qui essayent de démystifier toutes ces croyances populaires. Et donc lui, il a voulu faire ça avec les vampires. Il dit il y a des gens qui croient aux vampires, non seulement le grand public croit en l'existence des vampires parfois. Bah, il y a Buffy. Mais heureusement qu'il y a Buffy. Mais le pourcentage de ces gens devient dangereusement élevé à son goût, en tout cas au goût de Costas Eftimius. Donc il a fait ce calcul pour démonter le mythe des vampires. Écoutez, c'est magnifique, c'est limpide comme des mathématiques. Et bon, le problème c'est que forcément ça brise un peu toutes les fantaisies qu'on pourrait avoir à propos des vampires. Donc voilà l'idée, la légende. dit que, vous le savez, les vampires se nourrissent du sang humain et qu'une fois qu'une personne a été mordue, elle va mordre d'autres personnes. Donc ça se répand comme ça. Mm-hmm. Alors FT Muse, voici sa logique. Il dit, on va admettre que le premier vampire est apparu le 1er janvier 1600. On va l'appeler Vampire 1. Voilà. À l'époque, la population était de V1. 530 millions d'habitants. Si le premier vampire de l'histoire arrive le 1er janvier 1600, qui mord une personne par mois, une seule personne c'est par pas mois, beaucoup, hein. Donc on parle d'un vampire feignant en plus. C'est clair. Non. Il mange pas des masses. Il mord une personne par mois, ça il veut dire. Il court pas après, quoi. Ça veut dire que dès le 1er février 1600, il y aura deux vampires. Ben oui. Oui. Bien. Mais attention, il mord de façon précise. Mais. Il mord bien. Donc, un mois plus tard, ça veut dire qu'il y aura, quatre vampires, hein, ouais, puisque chacun des deux va en mordre un. Et ils vont tous en mordre un par mois, c'est que des feignants. Et donc, voilà, c'est vraiment dans une hypothèse de vampires très feignants. Et donc, c'est effectivement le système du calcul exponentiel, ce qui fait qu'en 2 années et demie seulement, toute la population originelle du monde serait devenue des vampires, mais c'est ça. Serait devenue des vampires et donc il n'y aurait plus rien à manger au bout de 200 et demi. Mais ils se bouffent entre eux après. Bien sûr. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est bien triste, mais ce calcul démonte admirablement le mythe des vampires. Mais bravo! on pourrait trouver sur, à dire sur à le, ça. Sur le même calcul, on a tous du sang de Jules César. Ah, c'est beau ça. Ouais. Si on remonte, aïe, si on considère sur des données statistiques le nombre d'enfants, etc., en fonction des périodes, nanana, enfin, il y a tout un truc scientifique, donc c'est pareil, c'est un calcul exponentiel, on descend tous de Jules César. Mais oui, mais non, mais il y avait des gens avant. Oui, non, mais bien sûr. Mais et, là, qui n'étaient pas affiliés à Jules César. Mais oui, et, comme, bien sûr. Et comment on fait pour ceux qui descendent de la montagne? C'est du jeu statistique. C'est un peu compliqué. C'est du jeu statistique. Mais oui, mais il y a forcément une erreur, puisque c'est faux. Non, c'est pas une erreur. Et si, puisque regarde. Mais si, l'erreur, c'est toi. Il y a, à l'époque de Jules César, ne serait-ce qu'à l'époque de Jules César, il y avait d'autres personnes. On va finir et ces gens, c'est clair. Il y avait d'autres personnes, ces gens ont eu des enfants qui n'étaient pas les enfants de Jules César. Eh ouais, oui. Donc, mais c'est bien oui, la preuve qu'aujourd'hui. Mais ces enfants-là, qu'est-ce qui te dit que quelque part, quatre générations après, ils se sont pas mis avec des gens qui avaient du sang, de machin. C'est beaucoup trop pareil. Ah, d'accord. Tu vois. Oui, mais alors si on parle de ce principe-là, ça peut marcher avec n'importe quel personnage. Du sang de César, je dis pas. Oui, ben c'est ça l'idée. Oui, on voilà, a tous du sang de Charlemagne. C'est ça. C'est histoire d'attirer un petit peu le truc. D'accord. Mais effectivement, on a du sang de n'importe quel personnage de l'époque de Jules César. Donc la morale, c'est que on a tous du sang en commun, on est tous frères. Et c'est exactement. Beau, c'est plus ça la morale. C'est mignon. Mais on est tous des vampires, je vous rappelle. Et on est tous des vampires. Voilà. Cool. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une histoire qui se passe à Amsterdam. Non, elle est triste, celle-là. Je la passe. Une autre histoire plus drôle. Oh, il est mignon. Qui se passe dans l'Iowa. Donc, c'est un jeune adolescent qui avait un pistolet à billes. Et c'était Halloween. Alors, il s'est dit, tiens, je vais m'amuser avec mon pistolet à billes. Et il a pointé son pistolet sur une voiture. Malheureusement, c'était la mauvaise voiture, on va dire. Puisque la voiture s'est arrêtée. Et deux hommes en sont sortis avec des calibres 40. Ah, oui. Et en fait, c'était des policiers donc en civil hein, qui étaient en train de pourchasser une voiture. Et donc, ils ont ordonné à l'adolescent en question, Ryan Shelton, 15 ans, de lâcher son arme. Et il pensait bien sûr que c'était un vrai flingue. Hein. Donc, il a jeté son arme, évidemment. Et il est parti en courant. C'est là que c'était la boulette. Ouais. Parce qu'au lieu de rester, il s'est barré. Bon, rassurez-vous, ça s'est bien passé. Il a juste été arrêté après. Et donc, ils lui ont pas tiré dans les jambes. Non. Là, ça aurait été quand même la cerise. Et donc, les officiers ont simplement dit que il s'amusait avec son pistolet à billes, mais que là, il était tombé sur la mauvaise voiture, effectivement. Ensuite, 10 ans de prison. On fait un petit parce détour. Parce que c'était une fausse arme, donc ça. Sinon, c'était 20. Un petit détour par Vienne. Voilà, avec un Bosniaque de 36 ans qui s'est échappé d'une prison autrichienne. Et en fait, il s'est enroulé, hein, si vous êtes amateur de Prison Break, vous allez voir que lui, il s'est pas emmerdé avec un puzzle tatoué sur tout le corps. Donc en fait, il était employé dans une des usines de la prison. Vous savez qu'il y a certains prisonniers qui travaillent comme ça. Et donc lui, il travaillait dans la fabrique de lampadaires publics, hein, de réverbères. Et il assemblait des pièces de réverbères. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a eu comme idée? Il s'est dit, tiens, caché dedans. Je vais m'enrouler dans un des paquets comme ça de pièces de réverbères. Donc il s'est enroulé dans du plastique et donc il a attendu que le camion de livraison qui était là pour récupérer les réverbères construits arrive et puis oh, il a réussi fait, à s'échapper il comme s'est ça. Fait passer pour un réverbère. Oui, c'est clair, c'est quand même fort. Alors il ah, était mais censé c'était une lumière hein, ce mec, attention. Ah oui, bon, c'est vrai, il était censé sortir en 2012 Et donc là, le livreur de camion explique qu'il est en train de conduire, puis là il s'est aperçu qu'il y avait comme un trou dans un des trucs, et tout de suite il a reçu un coup de téléphone de la prison. On lui a dit on a un prisonnier qui s'est échappé, vous avez rien vu. Il y a un réverbère dans une il y a un réverbère cellule. Qui bouge, qui demande à sortir. Bon. Donc voilà, bien joué. Alors est-ce qu'on a son nom? Mouradif H, bravo à toi. Enfin bravo. Non, ne le faites pas chez vous quand même. Non. Ne vous enroulez pas dans un réverbère. Merci. Et ne vous échappez pas de prison. Aussi. Voilà. Faut pas. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez pris du plaisir. Restez avec nous tout de suite. La suite des programmes de Rage. Exocet. Le bizarre, l'inclassable, le décalé. Sur Rage.